parti. Fois, hein. Allez, une chanson contre le racisme, la tolérance et l'appétit humain. Thank you. Attention, avec l'amour, on peut tout résoudre, mais par la...